Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Darwin et la théorie de l'évolution. C'est le fondateur de la biologie moderne. On dit rien n'a de sens aujourd'hui en biologie, sinon à la lumière de l'évolution. Alors c'est Darwin qui nous a fait penser le premier à l'évolution par sélection naturelle, ce mécanisme important. Le journaliste Jean-Pierre Rogel à l'émission Les années-lumière en février 2009, la théorie de l'évolution de Charles Darwin reste aujourd'hui encore l'une des quelques grandes théories sur lesquelles repose la science. Et c'est dans son célèbre ouvrage L'origine des espèces que Darwin expose sa théorie en 1859. Cette théorie qui ébranle le dogme d'une nature immuable depuis la création du monde par Dieu est d'ailleurs toujours vivement contestée dans les milieux créationnistes. Quand Darwin arrive, ça replace complètement l'homme dans l'univers. On n'est plus le centre de l'univers, on n'est plus cette création formidable. On est le résultat de plein de petites évolutions. C'est quand même assez... Ouais, puis il y a tout le rapport à Dieu aussi que ça vient chambouler. Et encore aujourd'hui, le tiers des Américains n'y croient pas à cette fameuse théorie de l'évolution. On peut supposer que c'est en raison des certaines croyances religieuses. En fait, aussi. C'est ça. Ils ne veulent pas y croire parce qu'ils comprennent la théorie, en fait. c'est à peu près toutes les religions... ont placé l'être humain dans une place spéciale de la création. Et ce que Darwin nous dit, comme on disait il y a un instant, c'est qu'on n'est ni le sommet ni le centre de l'évolution. On est une espèce fragile qui va probablement disparaître. Et ça, c'est très choquant pour plusieurs manières de voir l'univers, pas juste en termes religieux. Il y a plein de manières aussi athéistes où on place... il y a plein de systèmes athées où on place l'être humain dans une place privilégiée. Darwin nous dit que, finalement, on est des animaux fragiles comme les autres. Le journaliste Nicolas Titley et le philosophe Frédéric Bouchard à l'émission de Marie-Louise Arsenault « Plus on est de fous, plus on lit » diffusée en janvier 2014 pour nous présenter la théorie de l'évolution de Charles Darwin, pour nous parler également de l'importance de cette théorie, mais aussi du contexte dans lequel Darwin va développer cette théorie. Je reçois Jean-Claude Simard, qui est spécialiste en histoire des sciences et qui a été jusqu'à sa retraite professeur de philosophie au cégep de Rimouski et à l'Université du Québec à Rimouski. Jean-Claude Simard, bonjour. Oui, bonjour. Quelle importance est là, Jean-Claude Simard, cette théorie d'évolution dans l'histoire des sciences? Mais en fait, elle a sa place au palmarès des grandes théories scientifiques, au même titre que la théorie de la relativité d'Einstein ou que la mécanique quantique en microphysique. C'est une des grandes théories sur lesquelles s'appuie la science moderne. Et j'écoutais un des deux extraits que vous avez fait jouer. On cite cette phrase de Dobzhansky, hein. « En biologie moderne, rien n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. » Et c'est tout à fait exact. Donc aujourd'hui encore, elle est complètement et pleinement d'actualité et pertinente, cette théorie. Oui, même si on l'a beaucoup améliorée, même si on a développé depuis la génétique qui est venue la compléter et parfois la nuancer, elle demeure une des bases fondamentales et elle est applicable constamment. Regardez, par exemple, la lutte entre les humains et les bactéries en ce qui concerne les antibiotiques. Depuis la création des antibiotiques en 1928 avec la pénicilline de Fleming, c'est une lutte constante, c'est-à-dire que l'être humain développe des antibiotiques, ça tue certaines bactéries spécifiques. Malheureusement, il y en a certaines qui survivent. Elles s'adaptent, elles transmettent cette adaptation à leur descendance. Il faut modifier l'antibiotique. Et c'est comme ça depuis presque un siècle. De sorte que la lutte entre les humains et les bactéries dans le cadre de cette création des antibiotiques, c'est une illustration parfaite de la théorie de l'évolution. Oui, et de l'adaptation des espèces, on n'en sort pas, on n'en sortira probablement jamais. Un peu de contexte à ce qui va conduire à l'élaboration de cette théorie de l'évolution. Il la publie, cette théorie, en 1859, Darwin. Où en sont, à ce moment-là, l'Angleterre et l'Europe continentale sur la question des origines de l'homme, Jean-Claude Simard? Il faut dire que la croyance religieuse est encore très répandue à l'époque. Et qu'on est encore partisan de l'origine divine de l'être humain. On s'appuie sur le récit de la Genèse, qu'il y a dans la Bible, évidemment, mais on s'appuie aussi à l'époque sur ce qu'on appelle la théologie naturelle. Théologie naturelle, c'est une théologie qui, à partir de l'observation de la nature, conclut à l'existence d'un créateur. Et l'argument fondamental est simple. Il est impossible qu'une mécanique aussi bien réglée, dit-on, puisse exister sans qu'il y ait eu un plan et donc un créateur pour lui donner naissance. Oui. Mais l'idée d'évolution est en train de faire son chemin. Elle est dans l'air. Et d'ailleurs, en 1844, il y a un ouvrage qui paraît et dont l'auteur est anonyme. Et ça s'intitule « Les vestiges de l'histoire naturelle de la création » et ça présente une vision évolutionniste à la fois de la Terre et des espèces vivantes. Et ça va avoir un succès monstre. Il va y avoir 10 éditions, presque une par année, entre 1844 et 1853. Et c'est seulement après la mort de Darwin qu'on va connaître l'auteur, qui est un Écossais, qui était un naturaliste à ses heures, mais qui était surtout un auteur et un éditeur, et qui s'appelait Chambers. Et ça, c'est lu très attentivement par Darwin, qui va s'en inspirer, mais qui va aller beaucoup plus loin. Donc, il y a déjà des gens, des travaux, des écrits. On commence à s'intéresser à cette voie, à cette interprétation des origines du monde et de l'évolution, surtout de l'espèce. Comment Darwin en vient lui-même à développer sa théorie de l'évolution? Ben, il faut dire que Darwin est un passionné de biologie depuis qu'il est tout jeune. Dès l'adolescence, il y avait des collections, par exemple, de scarabées, et qui s'était acquise une certaine notoriété dans sa région natale. Et durant toute sa vie, Darwin va faire des observations, il va ramasser des spécimens, et il va se servir de ça pour développer sa théorie. De 1837 à 1859, donc l'année de la publication de son ouvrage majeur, Darwin tient des carnets de notes, et il y en a plusieurs, hein, il y en a beaucoup. Et dans ces carnets de notes, il note tout ce qui peut être utile pour le développement de sa théorie, tout ce que ses lectures lui suggèrent. Et c'est dans ces carnets de notes qu'on voit apparaître pour la première fois dans l'histoire la célèbre image de l'arbre évolutif qu'on utilise toujours pour représenter la théorie de l'évolution, pour l'illustrer, la base étant les formes de vie les plus anciennes, le tronc étant les principaux embranchements de l'arbre évolutif et les ramures, les branches supérieures étant toute la diversité actuelle de l'évolution avec les millions d'espèces qui existent aujourd'hui. Et c'est Darwin, donc, qui est le premier à proposer cette image qui va devenir, en quelque sorte, le symbole de l'évolution. Et dans ses carnets, Darwin est tout à fait conscient de l'impact qu'aura la théorie. Il écrit, d'ailleurs, c'est assez touchant, « Défendre le changement des espèces, c'est comme avouer un meurtre. » Vous le disiez, toute sa vie, c'est un fin observateur de cette nature qui l'entoure. Et il y a un moment important. En 1831, il se joint à l'équipage du Beagle qui part en expédition scientifique dans un voyage autour du monde, un voyage qui va durer 5 ans. Est-ce qu'on peut dire que ce voyage-là, je ne sais pas si c'est le point de départ, mais en tout cas, ça va être déterminant, Jean-Claude Simard, dans l'élaboration par Darwin de sa théorie de l'évolution, non? Oui, absolument. C'est déterminant et pour Darwin et pour l'histoire des sciences. Et là, il faut se rappeler un peu le contexte. Hein. C'est que l'Angleterre est devenue la maîtresse des mers depuis 1808, où elle a vaincu la marine de Napoléon qui essayait d'envahir l'Angleterre. Elle n'a plus de rival. Et c'est l'amiral Nelson, c'est lui-même qui a une statue et une colonne ici dans le vieux port de Montréal qui avait vaincu Napoléon. Et c'est le début de l'immense empire britannique et qui est le plus grand empire que l'histoire ait connu à l'époque. Et l'Angleterre organise toutes sortes d'expéditions pour des raisons commerciales, pour des raisons politiques et accessoirement pour des raisons scientifiques. Ouais. Et l'objectif, évidemment, c'est de cartographier les terres inconnues, c'est d'identifier les passages périlleux, la profondeur des eaux, l'existence éventuelle de récifs, l'endroit où il y a le plus de tempêtes, etc. Il faut se rappeler qu'on navigue à voile à l'époque encore. Hein. Et donc, on va aussi, lors de ces expéditions, parfois inviter un naturaliste. C'est le cas du capitaine Fitzroy qui invite Darwin, qui est encore tout jeune à l'époque. Et ça va être un point tournant parce que pour Darwin, c'est la découverte de la planète. Oui. Alors, il peut étendre ses observations à l'ensemble des pays de la planète parce que le voyage va durer 5 ans, ce qui est énorme. On va faire le tour du monde et régulièrement, Darwin est débarqué, c'est-à-dire qu'il met pied à terre, puis on vient le rechercher une semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard, et donc il a le temps de ramasser énormément de spécimens qu'il expédie par caisse en Angleterre. Et il y a des points tournants dans ce voyage, on n'aura pas le temps, j'imagine, de beaucoup en parler. Mais un mot quand même sur les Galapagos, parce que je pense que c'est vraiment fondamental comme élément déclencheur de ce qui va conduire à sa théorie. Ah, tout à fait. En fait, il y en a deux. Il y a la découverte d'un immense fossile de Megatherium en Patagonie, ce qui est dans le sud de l'Argentine. Megatherium, c'est l'ancêtre du paresseux actuel et qui était aussi gros qu'un éléphant. Et ça, ça frappe énormément Darwin parce qu'il se dit, il y a des espèces disparues, il faut trouver comment la transition s'est faite entre ces espèces disparues et les espèces actuelles. Et les Galapagos, comme vous le dites avec raison, c'est le point tournant de ce voyage parce que sur les Galapagos, Darwin remarque qu'il y a, dans cet archipel volcanique, où il y a plusieurs îles, des espèces qui sont adaptées à chacune des îles. Oui. C'est-à-dire que des pinsons ou les célèbres tortues géantes sont spécifiques à chaque île. Et Darwin se demande comment il est possible que cette adaptation se produise. C'est impossible qu'un créateur se soit amusé à donner naissance à des espèces ou à des variétés, pardon, différentes sur chacune des îles. Ça n'a pas de sens. Alors, il imagine que ça doit être une adaptation à l'environnement qui crée ces variations ou qui, si elles ne les créent pas, leur permettent d'être transmis à la descendance et de survivre. Oui, l'espèce s'adapte. Donc ça, ce sera, il l'observe là de manière assez évidente. Ce sera un déclencheur important. Cela dit, il va se passer énormément d'années. Vous le disiez, il va écrire des carnets, il documente. Là, il veut vraiment bien documenter cette théorie qu'il finira par publier, mais beaucoup plus tard, en 1859. Pourquoi un si long délai? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il se dit, il faut que je publie cette fameuse théorie qui sera donc... qui se retrouvera dans son ouvrage « De l'origine des espèces ». Darwin est un homme extrêmement prudent. C'est un scientifique très précautionneux, c'est-à-dire qu'il ne veut rien publier tant que ce n'est pas solidement appuyé. Et il sait que sa théorie va faire scandale parce que, contrairement à celle de Chambers, elle est beaucoup plus documentée. Il y a des milliers d'observations, il y a des milliers de faits qu'il peut apporter à l'appui de cette théorie. Et il attend, mais en 1858, se produit un événement tout à fait remarquable. Un de ses collègues qui est en visite en Indonésie et qui est en train d'explorer les îles de l'Indonésie, qui s'appelle Wallace, lors d'une nuit de fièvre, il est atteint par une fièvre tropicale et il délire un peu, mais il a une idée extraordinaire et il décide de la coucher par écrit. Ça donne un document d'une vingtaine de pages. Et quand il relit ça au matin, mais il dit « c'est une théorie extraordinaire, il faut que je la fasse connaître », et il décide de l'envoyer, croyez-le ou non, à Darwin, parce que Darwin a commencé à être connu depuis la publication de son journal de voyage et de différents essais, et il n'a rien publié encore sur la théorie de l'évolution, et Darwin reçoit ça, lit ça, il est consterné, parce que c'est sa théorie sur laquelle il travaille depuis 20 ans. La sélection naturelle, la lutte pour la vie, l'adaptation à l'environnement, les variations... Alors, il ne sait pas quoi faire et ses amis lui disent « Écoute, par fair play, il faut présenter la théorie de Wallace et la tienne. Et là, tu n'as plus le choix de présenter une conférence où tu vas développer cette théorie. Et ensuite, il faut que tu publies ton fameux ouvrage. Oui. » Et Darwin avait écrit un long essai de 200 pages en 1844, l'année décisive dont on parlait tout à l'heure. Il va donc développer cet essai pour en faire un ouvrage de 500 pages qui, lorsqu'il paraît, évidemment, est une véritable bombe. Oui. Alors, on va parler justement de la réaction que suscite la publication de l'origine des espèces en 1859 et plus largement, la réaction que provoque cette théorie de l'évolution des espèces. On écoute à ce propos le secrétaire général du Secrétariat des sciences et de la technologie du Québec, Camille Limoges, à l'émission actuelle en 1982. Mis à part les amis de Darwin, c'est-à-dire ceux auxquels Darwin avait fait la confidence de sa découverte et qu'il avait initié à la théorie de la sélection naturelle, on peut dire que tous les naturalistes de l'âge de Darwin ou plus âgés que lui ont refusé la théorie de la sélection naturelle et même la théorie de l'évolution. Même les professeurs qui avaient initié Darwin à la science. Ah oui, bien entendu, bien entendu. En fait, on peut dire que les seuls alliés de Darwin à cette époque, ce sont les très jeunes scientifiques. Et en fait, lorsque le travail de Darwin et Wallace a été présenté en 1858 à la Linnean Society, à peu près personne ne s'est aperçu de l'importance de ces communications. Même le président de la Linnean Society, à la fin de l'année 1858, comme chaque année, lorsqu'il a fait la revue des travaux qui avaient été présentés, a dit quelque chose comme « Évidemment, cette année n'est pas une de celles où de grands travaux qui révolutionnent la science auront été présentés chez nous, mais beaucoup de travaux solides, descriptifs, etc. » Et pourtant, quand son livre a paru, eh bien, il s'est tout de suite très bien vendu. Ah, écoutez, toute la première édition a été vendue le même jour, c'est-à-dire que le tam-tam avait joué. C'est un livre que l'on s'est arraché chez le libraire et qui a connu très rapidement un très grand nombre de rééditions, ce qui ne signifie pas, évidemment, que les gens qui lisaient Darwin en étaient convaincus et qu'ils devenaient ses adeptes ou ses prosélytes. On peut penser que le succès du livre de Darwin a été largement un succès de scandale. L'origine des espèces, largement un succès de scandale, nous dit Camille Limoges dans cet extrait qu'on vient d'entendre. Que dire, Jean-Claude Simard, de la réaction que suscite la publication de l'origine des espèces? Eh bien, comme M. Limoges l'a parfaitement dit, il y a deux types de catégories, il y a deux types de personnes qui vont s'intéresser à l'ouvrage. D'abord, les scientifiques, parce que la rumeur court depuis des années que Darwin travaille sur une théorie révolutionnaire, mais aussi des gens qui ont très hâte de lire la théorie pour pouvoir la contester, ouais. voire la détruire. Et donc, il y a un parfum de scandale qui s'attache à ça. Et, bien sûr, le lobby religieux de l'époque, tout ce que l'Angleterre compte d'intellectuels croyants et religieux, attend Darwin avec une brique et un fanal. Mais Darwin est excessivement prudent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'avance jamais rien qui ne soit solidement étayé. Et croyez-le ou non, sur ces 500 pages, il n'y a pas un mot sur l'être humain. Donc, il présente sa théorie de manière générale, de manière globale, avec le mécanisme de l'évolution, la façon dont la lutte pour la vie fonctionne, la façon dont se fait la sélection naturelle, comment les êtres vivants s'adaptent à l'environnement, comment l'environnement change au hasard, comment les variations qui sont favorables ou non apparaissent au hasard. Et donc, Darwin est excessivement prudent. À la toute fin, la dernière phrase du dernier paragraphe du livre, il dit, ça pourrait peut-être s'appliquer à une espèce en particulier. Et c'est la seule chose qu'il dit sur l'être humain. Mais tout le monde a très, très bien compris que l'être humain ne va pas échapper à l'application de la théorie. Oui. Et il y a à ce moment-là une dame anglicane qui est la femme d'un clergyman anglais, dont on cite souvent la phrase parce qu'elle est tellement drôle, qui est une dame de la haute société, qui dit « Mon Dieu, espérons que cette théorie que l'homme pourrait provenir du singe n'est pas vraie. Mais si elle est vraie, prions pour que ça ne se sache jamais. » Alors, malheureusement pour elle, non seulement ça s'est su, mais ça a été diffusé à la grandeur de la planète. Ouais. Et ça a été, on l'anticipait, mais de fait, ça a effectivement été le début d'un long débat, d'un conflit, en fait, assez virulent qui va opposer ceux qu'on appelle les évolutionnistes à ceux qu'on appelle les créationnistes. Et on n'est pas encore sorti de ce débat-là, comme en témoigne d'ailleurs ce reportage de France 2, diffusé en octobre 2019, et celui d'Emmanuel Martinez, présenté à l'émission Sans frontières en décembre 2002. Dans cette académie chrétienne de l'Oklahoma, voici à quoi ressemble le cours de science sur la formation de la Terre. Selon les modèles scientifiques, il aurait fallu 60 millions d'années pour saliniser les océans. Mais si la Terre n'a que 6 000 ans, comment les océans peuvent-ils être aussi salés aujourd'hui? Ils n'ont pas eu le temps. Dans ce cas-là, on peut peut-être penser que comme Dieu a créé les océans il y a 6 000 ans, il les a déjà créés avec quoi? Eh oui, avec du sel dedans. Moi, je trouve ça très logique. On nous a présenté les deux théories, l'évolution et la création. Et pour moi, la création est beaucoup plus cohérente. De l'autre côté, la grande majorité des écoles publiques continuent à appliquer un programme scientifique. Mais les temps politiques ont changé. Aujourd'hui, à la Maison-Blanche, le vice-président Mike Pence est un créationniste convaincu, tout comme la ministre de l'Éducation, Betsy DeVos. Ça arrive souvent que je suis un libéral, que je suis un hérétique, que j'ai brainwashed, le cerveau a été nettoyé clairement. Celui que j'aime et le commentaire que mes amis aiment beaucoup, c'est que je suis psychologiquement pas tellement stable. Donc. Si Denis Lamoureux est l'objet de qualificatifs peu élogieux, c'est parce qu'il enseigne un cours à l'Université de l'Alberta à Edmonton qui remet en cause la naissance du monde et de l'homme tel que prôné par la Bible. Son cours sur le créationnisme et l'évolutionnisme suscite la controverse. Mon style d'enseignant, c'est simplement d'exposer les personnes à des positions différentes, puis même avec les positions que je ne suis pas d'accord avec. Donc, avec un esprit d'ouverture de mon part, ça donne vraiment une bonne chance pour les étudiants à faire leurs décisions. Donc ça, c'est mon idée d'éducation, c'est qu'ils fassent leurs décisions et ma job, c'est simplement à leur exposer à toutes les positions. Alors, ces deux extraits de reportage nous montrent de manière assez formidable, Jean-Claude Simard, ce à quoi ça peut ressembler aujourd'hui encore, cette opposition entre créationnistes et évolutionnistes. Ça tient à quoi, sur le fond? Qu'est-ce qui est en cause dans cette opposition-là? Bon, ce qui est en cause, c'est le rôle du hasard, au fond, et des lois de la nature. C'est que pour un croyant fondamentaliste qui fait une lecture littérale de la Bible, la création du monde est une chose qui va de soi. Pour la personne qui est scientifique, c'est le rôle du hasard qui explique l'origine des espèces et donc l'origine de l'homme. Et ça, c'est inadmissible pour une personne croyante, parce que ça veut dire que l'homme s'inscrit à l'intérieur de la nature. Il est naturalisé, donc il n'a rien de divin. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit qui va survivre après la mort s'il appartient de plein droit, comme toutes les autres espèces, à la nature et à ses lois. Et soit dit en passant, la dame qui s'exprimait et qui parlait de deux théories rivales, ce ne sont pas du tout deux théories rivales. Dans un cas, on a une doctrine religieuse et dans l'autre, une théorie scientifique. C'est de deux ordres complètement différents. Oui. Mais ça va donner, tout au cours du 20e siècle, on vient d'entendre deux exemples récents, la façon dont cette théorie de Darwin est encore aujourd'hui remise en question par les créationnistes. Mais il y a un exemple, en tout cas très célèbre, qui est assez croustillant, qui est assez révélateur sur ce que ça va donner, cette opposition entre ces deux groupes. Le procès, qu'on va appeler le procès du singe en 1925, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est dans ce qu'on appelle la célèbre Bible Belt, la ceinture biblique aux États-Unis, le sud profond, où les gens sont très, très croyants. Il y a beaucoup d'évangélistes qui font une lecture littérale de la Bible. Et il y a l'État du Tennessee qui passe une loi qui interdit l'enseignement de la théorie de l'évolution et son application à l'être humain. Et l'Union civile américaine veut tester cette loi et voudrait l'abolir. Et donc, on va demander à un enseignant d'enseigner volontairement la théorie de l'évolution pour qu'il puisse être poursuivi, pour qu'on puisse avoir un procès dont on va se servir pour publiciser la théorie de l'évolution et éventuellement abolir la loi. Et le procès va être extrêmement suivi parce que le procureur de l'État et le défenseur de la théorie de l'évolution sont deux personnes très célèbres à l'époque, dont l'un, M. Jennings Bryan, s'était présenté 3 fois à la présidence des États-Unis. Et ça va avoir un succès retentissant dans tous les États-Unis. Et Scopes va être condamné, mais à une amende seulement symbolique. Et on considère que c'est un des points tournants dans l'histoire de l'évolution aux États-Unis. Même si la loi ne va être abolie qu'en 1967, donc 42 ans plus tard. Incroyable. Il faut s'arrêter là-dessus, Jean-Claude Simard. C'était passionnant. Jean-Claude Simard, je le rappelle, est spécialiste de l'histoire des sciences et de la culture scientifique, professeur à la retraite du cégep de Rimouski, de l'Université du Québec à Rimouski. Merci beaucoup, M. Simard. C'était un grand plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.